20-27, activation orale, ne pas avoir une minute à soi. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Pourquoi est-ce que le garçon de la closerie ne lit pas? Et vous répondez? Oh, il n'a pas une minute à lui. 2. Pourquoi est-ce que tu ne lis pas? Oh, je n'ai pas une minute à moi. 3. Pourquoi est-ce que vos parents ne lisent pas? Ils n'ont pas une minute à eux. 4. Pourquoi est-ce que vos filles ne lisent pas? Elles n'ont pas une minute à elles. 5. Pourquoi est-ce que vous ne lisez pas, vous deux? Oh, nous n'avons pas une minute à nous. 6. Pourquoi est-ce que votre fils ne lit pas? Oh, il n'a pas une minute à lui.